Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 12. Des avantages qu'il y a pour l'âme à renoncer aux conceptions imaginatives, réponse à une objection, différence entre les conceptions imaginatives de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, les avantages que la mémoire recueille de ce dépouillement des formes imaginaires, se reconnaissent aisément d'après les cinq inconvénients que l'âme trouve à les conserver. Nous l'avons démontré à propos des formes naturelles. En outre, l'âme retire de ce dénuement d'autres fruits précieux, tels qu'un grand repos ou une profonde paix intérieure. Le dégagement des images et des formes amène tout naturellement cette quiétude de l'esprit, et le délivre par là même de la nécessité d'examiner si ses communications sont bonnes ou mauvaises, et de chercher comment il doit se comporter à l'égard des unes ou des autres. Ajoutez à cela la peine et le temps perdu avec les directeurs spirituels, pour leur faire discerner la nature de telle ou telle communication, examen fort inutile, puisque l'âme ne doit en aucune façon s'y attacher, mais bien plutôt les repousser dans le sens déjà énoncé. Les efforts que l'âme aura fait ainsi en pure perte, eussent été beaucoup mieux employés dans un exercice plus excellent, c'est-à-dire à diriger sa volonté vers Dieu, et à s'appliquer avec soin au dépouillement des sens et à la pauvreté d'esprit, qui consiste à vouloir, d'un désir sincère, être privé de tout appui et de toute consolation intérieure et extérieure. Or, pour arriver à ce but, des efforts généreux sont indispensables. L'âme trouvera dans cette abnégation l'immense avantage de s'unir à Dieu lui-même, qui n'a ni forme, ni figure, ni image, et de se rapprocher du Seigneur, précisément en proportion de l'éloignement où elle se sera tenue de toutes les choses sensibles. Mais, m'objecterez-vous peut-être, pourquoi donc beaucoup de maîtres spirituels conseillent-ils aux âmes de s'attacher aux communications et aux sentiments qu'elles reçoivent de Dieu? Pourquoi les portent-ils même à désirer ses faveurs, afin d'être en mesure d'avoir quelque chose à lui offrir en retour? Car enfin, si Dieu ne nous donne pas le premier, nous n'avons rien à lui présenter de nous-mêmes. Et puis saint Paul ne dit-il pas, n'éteignez pas l'esprit? 1. Thessaloniciens 5, 19. L'époux adresse aussi à son épouse ces paroles, « Mettez-moi comme un sceau sur votre cœur, comme un sceau sur votre bras. » Cantique 3. Ces textes de nos saints livres semblent faire allusion aux faveurs que la doctrine donnée plus haut nous enseigne à ne pas rechercher, et même à rejeter lorsqu'il plaît à Dieu de nous en favoriser. Cependant, n'est-il pas hors de doute que si Dieu nous les donne, c'est pour une bonne fin, et qu'ainsi le résultat n'en peut être mauvais? En un mot, il faut se garder de dédaigner les pierres précieuses, ne serait-ce pas d'ailleurs une espèce d'orgueil, de refuser d'admettre les grâces de Dieu comme si nous pouvions avoir quelque bien sans aller par nous-mêmes? Pour satisfaire à cette objection, il suffit de renvoyer le lecteur au chapitre 15 et 16 du deuxième livre, où il a déjà été répondu en grande partie à ce doute. Nous y avons démontré que le bien procuré à l'âme par les connaissances surnaturelles dont Dieu est le principe, s'opère passivement en elle, au moment où les sens les reçoivent, et sans aucune coopération des puissances. Il n'est donc pas nécessaire que la volonté y concourt par un acte formel d'adhésion. Au contraire, si l'âme veut alors faire agir ses puissances, loin de retirer un avantage de leur exercice, son opération, naturellement grossière et imparfaite, gênera l'impression surnaturelle que ses connaissances devaient produire en elle, La substance de ces notions imaginaires est communiquée à l'âme en dehors de sa participation, elle doit donc demeurer passive en les recevant, et ne pas interposer son action intérieure ou extérieure. Se conduire de la sorte, c'est en réalité conserver les sentiments que lui envoie le Seigneur, sans les altérer par l'imperfection et la grossièreté de son opération personnelle. C'est encore ne pas éteindre l'esprit, car l'âme l'étoufferait si elle tenait une conduite contraire au dessein de Dieu sur elle, et si, lorsque le Seigneur lui communique passivement son esprit, comme il le fait dans ses connaissances, elle voulait faire intervenir l'activité personnelle de son entendement, ou appliquer sa volonté à quelque chose en dehors des dons actuels de Dieu. N'est-il pas évident que si l'âme s'efforce d'agir, son action sera toute naturelle, et même en admettant qu'elle puisse être surnaturelle, ne sera-t-elle pas du moins très inférieure à celle de Dieu, incapable de s'élever par ses seules forces à la hauteur du surnaturel? L'âme y est portée et établie par Dieu seul, lorsqu'elle lui donne son plein consentement. Encore une fois, agir par soi-même, c'est mettre obstacle, selon l'étendue de son pouvoir, à la communication de Dieu, c'est-à-dire de son esprit, c'est s'arrêter à son opération propre, bien opposée et bien inférieure à l'œuvre du tout. Puissant, c'est enfin ce que l'on appelle, à bon droit, éteindre l'esprit. Souvenons-nous que la capacité ordinaire et naturelle des puissances de l'âme, ne peut s'exercer et opérer que sur des formes, des figures ou des images, c'est là l'écorce et l'accident où sont cachées la substance et l'esprit. Lorsque cesse toute opération imparfaite, la réalité substantielle se communique aux puissances de l'âme par l'amour et par l'intelligence, d'autant que la fin et l'objet de l'opération divine sont précisément de rendre l'âme capable de recevoir en elle la substance, connue et aimée, des choses voilées sous ses formes. Or, il y a entre l'opération active et l'opération passive, au point de vue de leur avantage, la même différence qu'entre une chose que l'on fait actuellement et celle qui est déjà faite, entre le but où l'on tend et celui que l'on a déjà atteint. Vouloir employer activement ses facultés aux connaissances surnaturelles, dans un temps où il plaît au Seigneur de lui en donner l'essentiel et l'effectif, c'est reprendre en sous-œuvre un travail déjà terminé. D'une part, l'âme ne jouit pas de ce qu'elle possède, et de l'autre, son activité propre ne fait qu'amoindrir le résultat du fait accompli, et restreindre l'effusion de l'esprit que Dieu répand dans ses puissances. Sans leur intervention, l'âme étoufferait donc inévitablement l'esprit, communiqué par ses connaissances imaginaires, si elle y attachait son estime, c'est pourquoi il faut qu'elle y renonce, et se maintienne dans une attitude passive, alors l'impulsion divine l'élèvera à un degré de perfection bien supérieur à celui qu'elle aurait pu atteindre par ses propres forces. Aussi le prophète a-t-il dit, « Je me tiendrai en sentinelle au lieu où j'ai été mis, je demeurerai ferme sur les remparts, et je regarderai attentivement pour voir ce que l'on pourra me dire, Habacuc 2, 1, c'est-à-dire, je me tiendrai debout et immobile sur le rempart de mes puissances, je ne ferai aucun pas en avant par mes propres opérations, mais je contemplerai et je goûterai ce qui me sera communiqué surnaturellement. » Quant au passage des cantiques allégués dans l'objection précédente, nous devons l'interpréter de cet amour dont la nature est d'assimiler l'amant à l'objet aimé, et que l'époux promet à son épouse en lui disant, « Mettez moi comme un sceau sur votre cœur, Cantique, 8, 6, où les flèches de l'amour viennent se fixer. Ces flèches, ne sont-ce pas les intentions et les actes d'amour qui tendent vers l'époux, comme vers leur unique but? Par ces actes d'amour, l'âme s'assimile à son bien-aimé, jusqu'au point d'être entièrement transformée en lui. L'époux dit encore à l'épouse de le mettre comme un sceau sur son bras, Ce bras est le symbole de l'exercice de l'amour dans lequel se nourrit le divin époux, et où il prend ses délices. Ainsi la seule chose dont l'âme doit se préoccuper, dans toutes ses connaissances surnaturelles, qu'elles soient imaginaires ou de tout autre genre, comme vision, parole, révélation ou sentiment, c'est, non pas de s'arrêter à la lettre et à l'écorce, je veux dire à ce qu'elle signifie, représente ou donne à entendre, mais de s'attacher uniquement à conserver l'amour divin que ses faveurs réveillent dans l'âme. Le vrai profit que nous devons retirer de ces sentiments, est en raison de l'amour dont ils accroissent l'intensité, plutôt qu'en raison de leur douceur, de leur suavité, ou de la forme qui les a fait naître. Par conséquent, l'âme pourra, sans aucun inconvénient, se rappeler quelquefois les images et les connaissances qui ont éveillé son amour, afin d'en raviver la flamme. Assurément, l'effet de ce souvenir ne sera pas aussi vif que la première fois, cependant il élève l'esprit à Dieu, surtout s'il s'agit de certaines images, ou de certains sentiments surnaturels, dont le propre est d'imprimer dans l'âme un sceau durable, et parfois même ineffaçable. Toutes les fois que ces impressions se renouvellent, elles produisent de nouveaux effets d'amour, de suavité et de lumière, plus ou moins accentués. Le Seigneur n'a pas d'autre but en les imprimant de la sorte, et c'est là une de ses faveurs les plus précieuses, qui met à la portée de l'âme une mine féconde de biens ineffables, les représentations qui amènent de si heureux résultats, se gravent vivement dans ce que les auteurs scolastiques appellent la mémoire intelligible. Elle diffère par là des autres formes ou images dont l'imagination est le réservoir, inutile donc de recourir à cette faculté pour en rappeler le souvenir, l'âme les voit en elle-même, comme l'image d'un objet s'aperçoit dans un miroir. Le ressouvenir de ces images formelles servira à rendre son amour plus effectif, pourvu que l'âme ne se laisse pas absorber par la forme imaginaire. Au lieu d'y trouver un obstacle, elle en prendra occasion d'accroître son amour dans la foi. Néanmoins, il est très difficile de discerner si ces images atteignent directement la partie spirituelle de l'âme, ou si elles résident simplement dans l'imagination, car cette faculté est très féconde en semblables matières. Il y a des personnes qui reçoivent souvent, et sous la même forme, des visions imaginaires, soit à cause de la pénétration de cet organe, qui leur représente aussitôt la figure de ce qu'elles ont dans la pensée, soit encore parce qu'elles sont sous l'action du démon ou sous celle de Dieu, sans que toutefois ces images soient imprimées formellement dans l'âme. On peut reconnaître ces visions à leurs effets, celles qui sont naturelles ou qui viennent de la part du démon, ne causent aucun bon mouvement dans l'âme, leur souvenir, même fréquent, ne lui apporte aucune rénovation spirituelle, et la laisse dans la sécheresse. Celles qui viennent de Dieu produisent au contraire des résultats analogues à ceux que l'âme a obtenus la première fois. Mais cette grâce précieuse provient surtout des représentations formelles gravées au fond de l'âme, et elle se répète pour ainsi dire chaque fois que le souvenir s'en renouvelle. L'homme spirituel qui aura l'expérience de ces dernières, distinguera facilement les unes des autres, car la différence est évidente. J'avertis seulement que celles qui affectent l'âme d'une manière formelle et durable, sont fort rares. Au surplus, les unes ou les autres diffèrent elles de nature, le plus avantageux sera toujours de ne rien vouloir comprendre, et de chercher Dieu par la foi et par l'espérance. Quant à ce point de l'objection, qu'il y aurait peut-être un secret orgueil à rejeter ces connaissances, si elles étaient bonnes, je réponds qu'une semblable conduite est dictée par une prudente humilité, qui sait en profiter dans le sens le meilleur, comme nous l'avons expliqué, et faire prendre la voie la plus sûre pour arriver au terme.